Tu sais qu'on connaît tous le vice du ghetto. Tu m'as planté le dans le dos mais je t'ai pardonné. Trop ventre con, me l'a dit très tôt. À force de pas avoir, moi j'ai fini par donner. Des soucis dans la tête, dur d'oublier. J'aimerais partir en traite, quitter le ghetto. Des billets dans la tête, j'oublie de prier. La vie te guette quand toi tu regardes dans le rétro. J'écris, je zone, je vois, j'écoute pas tout le temps, je crois. Je fuis pas tout le temps, j'arrive, je bois et tout le temps, je me noie. Je cours sacré à win. Demande à Benoît, les flics du 5, on vous connaît tous, mettez-vous un doigt. À croire que je parle dans le vent, toi tu es devant moi, tu te vantes. Tu connais la loi, parle pas trop, monde ce que t'as dans le ventre. Mais tu sois en bolide ou mal sapé, en piéton. N'importe quelle galère au quartier, tu sais que nous la fêtons. Avec une hache à la main. Ou un flash dans la tête, dis-moi la vie c'est un refrain que j'écoute sans cesse. Les problèmes, les trahisons, les promesses, les gars disent oh laisse, amour est égal à grosse laisse. Je me confesse au public, juste garçon qui se contente de peu. J'aurai quelque chose si je le veux. En plus d'avoir un souffle au cœur, y'a la tempête. Tu peux faire trempette, des gars disent comme ça y'en a tempête. Et mon pote reste tranquille, fume ton pète. Le concept c'est montrer la vraie rage que t'as dans tes allures de trompette. Dans le rap je vais tout niquer. Au quartier les flics qui tombent, poteau c'est pire qu'un tourniquet. Cache le bon, les chemises t'arrives, tu fais des bons. Pour de bon, arrête la fémette, tu rentres devant ta mère des bosses. Bref, tu rentres chez toi, tu oublies tout, pas ta cachette. Ta mère prend des cachets parce que tu portes la gâchette. Tu te vois devant la mer, grosse caisse, tu décapotes. Tant mieux pour toi, t'as enfilé la cosse comme les capotes. Fallait que ça parte de là. Quand y'a un proche qui part, tu comptes plus les flaques de larmes. Hommage à ceux partis à se rechercher dans le maquis, à ceux qui ont tenu dans le quartier depuis l'époque du paquis. J'écris texte et mes potes me pissent comme un robot. Ils me disent c'est quand tu perds, je leur dis franco ça serait trop beau. J'ignore les risques quand ça parle famille, quand ça clamie alors que c'est ton ami. Ma vie elle est dure tu sais, je me mens pas à moi-même. Comme cette fille qui dit tu sais, moi je resterai tout le temps pucelle. Je cherche toujours plus simple du vécu mais j'ai rien à voir. Un manque de rap comme cet alcoolique a plus rien à boire. Tu voulais du lourd, en veux-tu en voilà. Je me rappelle au parloir, le partage tu l'envoies là. J'ai vu les sourires et les larmes, les bons moments et les drames. J'ai pas gambergé pour rien, j'ai compris les hommes et les femmes. Je me suis senti supérieur, moi tout seul je me suis rabaissé. Là juste en cul à sec, c'est pas demain qu'on va la baiser. Je sais que j'ai pas tout dit mais je vous laisse manger une vie. Dès que je vais lâcher le mic au moins je vais me sentir vide. Tu sais qu'on connaît tous le vice du ghetto. Tu m'as planté le dans le dos mais je t'ai pardonné. Trop ventre con, me l'a dit très tôt. À force de pas avoir, moi j'ai fini par donner. Des soucis dans la tête, dur d'oublier. J'aimerais partir en traite, quitter le ghetto. Des billets dans la tête, j'oublie de prier. La vie te guette quand toi tu regardes dans le rétro. Tu sais qu'on connaît tous le vice du ghetto. Tu m'as planté le dans le dos mais je t'ai pardonné. Trop ventre con, me l'a dit très tôt. À force de pas avoir, moi j'ai fini par donner. Des soucis dans la tête, dur d'oublier. J'aimerais partir en traite, quitter le ghetto. Des billets dans la tête, j'oublie de prier. La vie te guette quand toi tu regardes dans le rétro.